Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science, épisode numéro 53 avec le professeur Fon. Salut Alan. Salut Mathieu. Alors aujourd'hui, on a un invité, on va avoir un entretien avec Julien Stervinou. Salut Julien. Salut Mathieu. Salut Alan. Salut Julien, bienvenue. Bienvenue. Merci. On va pas traîner, on va tout de suite se lancer dans le vif de ton entretien. Alors, pour commencer, je vais juste te présenter en quelques mots. Tu es ingénieur en mécanique. Tu me corriges si je me trompe. Tu as créé la société Convergence Composite qui est basée à La Vallée de Joux, en Suisse. Exactement. Vous êtes quatre collaborateurs et vous travaillez sur des applications à base de matériaux composites. C'est ça. Alors, ça va constituer le sujet de notre entretien. Et accessoirement, on aura peut-être l'occasion de revenir à la fin de l'entretien. Tu es aussi champion d'Europe d'ULM 2010, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, tu as de bonnes connaissances en aéronautique et ben voilà, ça te sert aussi dans le cadre de ta profession, je crois. Ouais, c'est la passion en tout cas. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, vous travaillez au sein de Convergence Composite sur Convergence Composite sur des matériaux composites. Alors, pour déjà se mettre dans le contexte de ce dont on va parler, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est un matériau composite et quelles sont ses propriétés principales? Ouais. Alors, un matériau composite, hein, dans le principe, c'est l'assemblage d'au moins deux matériaux pour en constituer un nouveau qui a des caractéristiques différentes et supérieures des matériaux de départ. Sur le principe, le bois, on pourrait dire que c'est un biocomposite parce qu'il y a les fibres de cellulose et puis la lignine qui va faire office de... Le composite, c'est pas... Au sens où on l'entend, nous, pour des applications de haute performance, c'est une fibre de carbone et puis une matrice liante. Et la fibre, c'est une fibre de renfort, pardon, une matrice liante. Et je parle de la fibre de carbone parce que c'est celle qu'on a le plus souvent en tête. Le grand principe, hein, des matériaux composites, c'est l'anisotropie. C'est justement qu'on ait une direction privilégiée avec les fibres, qui va donner un comportement mécanique aux pièces qui sont faites avec ces matériaux, qui va être justement privilégié dans une direction plutôt que dans une autre. Si je reprends l'exemple du bois, ben, on sent bien, hein, qu'on a une résistance, une rigidité qui est plus importante dans la direction des fibres plutôt que dans les autres directions. Ouais, Donc tout ça, à fait. c'est vraiment la particularité des matériaux composites. Et puis les avantages principaux, c'est surtout le rapport résistance-masse. Les matériaux composites, ben, on va les utiliser principalement dans les pièces dans lesquelles on a besoin de gagner de la masse et où pourtant on attend une résistance qui est très très forte. Donc des matériaux légers mais très résistants. Exactement. C'est en général vraiment ce pourquoi on cherche à utiliser les matériaux composites. D'accord. Donc pour résumer, si j'ai bien compris, dans un matériau composite, il y a une ossature interne qui est, bon, dans le cas des fibres de carbone, sans carbone, mais je crois qu'on peut trouver aussi d'autres types d'ossature en verre. Bon, il y a la cellulose, tu as parlé du bois, c'est ça. Il n'y a pas seulement le carbone, mais c'est la plus utilisée. Alors, il n'y a pas seulement le carbone. Le carbone, on pourrait dire que c'est un peu la Rolls des fibres qu'on va utiliser comme renfort dans les matériaux composites. Juste pour donner une comparaison, on va avoir avec un composite à base de fibres de carbone une rigidité qui est à peu près comparable à l'acier. Alors, c'est des ordres de grandeur parce que il y a plein de types d'acier et de la même manière, il y a plein de types de fibres de carbone. Mais on est dans le même ordre de grandeur en termes de rigidité. Par contre, en termes de densité, ben on a un rapport 5. On est 5 fois plus léger pour le composite à base de fibres de carbone que pour l'acier. Donc on se rend vite compte des gains de masse qu'on peut faire en utilisant ce genre de matériaux. Mais il n'y a pas seulement que la fibre de carbone, il y a une autre fibre qui est très connue, c'est la fibre de Kevlar, qui va avoir encore d'autres spécificités, qui va être aussi très utilisée dans les endroits où on a besoin d'une résistance, une absorption de choc. C'est pas pour rien que c'est utilisé dans les gilets pare-balles. Et puis on a complètement d'autres familles de fibres, telles que les fibres naturelles, par exemple, qui sont en train de se développer et puis pour lesquelles on est en train de mettre au point de plus en plus d'applications techniques. Donc les composites de demain, ce seront aussi des composites à base de fibres naturelles. D'accord. Donc de fibres végétales biologiques. Oui, complètement. Ok. Ok, moi j'avais une petite question. Ton équipe et toi-même, donc vous cherchez à créer de nouveaux matériaux, c'est ça? Alors, la recherche pure sur les matériaux, je dirais que c'est plutôt le job des universités puis des grands groupes. Parce que nous, D'accord. on n'a pas les moyens, on n'a pas la prétention d'inventer des matériaux. Par contre, on utilise des matériaux existants, mais notre valeur ajoutée, elle est surtout sur la mise en œuvre, sur les procédés de transformation. Donc, la boîte noire entre les matériaux à disposition et puis ce qu'on peut en faire sur une pièce ou sur un produit fini. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est surtout des applications possibles pour des nouveaux matériaux. Donc, ça va être par exemple utiliser un matériau composite dans des domaines où pour l'instant on ne les avait jamais utilisés. D'accord, donc un chercheur de l'EPFL par exemple va dire Bing, j'ai trouvé un nouveau matériau, mais je ne sais pas très bien comment l'exploiter sur le plan industriel, et c'est là que vous intervenez? C'est ça? Ça peut exactement, ça peut être ça. D'accord. On n'est pas dans la recherche fondamentale, on est plutôt dans la recherche appliquée et on va essayer d'utiliser les avancées de nouveaux matériaux pour des nouvelles applications. Ok. Donc tu nous as dit avant qu'un matériau composite était composé d'une ossature, mais il y a aussi une matrice, qui est une sorte de protection externe, non? Et je crois qu'il y a deux types qui sont principalement faites en résine, et il y a des résines qu'on appelle thermodurcissables et des résines thermoplastiques. Tu peux nous expliquer un peu la différence entre ces deux matrices? Alors c'est vrai que la résine elle est indispensable dans un matériau composite parce que c'est elle qui va permettre de faire transiter les efforts à travers les fibres. Parce que je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais dans un matériau composite où on a la fibre de renfort et puis la matrice indépendamment, ils valent pas grand-chose. Par contre, associés ensemble, ben, c'est eux qui vont permettre d'obtenir ces pièces avec des très bons rapports résistance-masse. Et le rôle de la matrice, de la résine, c'est justement faire transiter les efforts d'une fibre à l'autre. Donc il y a en gros deux familles, hein, les thermodurcissables, où en fait on va avoir une réaction de polymérisation et où on va permettent en mélangeant un catalyseur avec une résine, on va déclencher une réaction en chaîne qui va tisser un réseau d'atomes en trois dimensions. Puis c'est comme ça qu'on va passer d'une résine liquide à une résine solide. Ce caractère en trois dimensions sur la résine qui va être polymérisée, c'est ce qui procure la bonne résistance mécanique. Mais c'est aussi ce qui rend ce phénomène-là irréversible. Toute action extérieure qu'on pourrait amener pour détruire cette chaîne, ben, ça signifierait une rupture de la résine. Donc c'est irréversible. Mais à la différence d'une résine thermoplastique, qui elle, si je reprends l'image de la 3D, elle va plutôt posséder un réseau de chaînes en 2D. Mais l'avantage, c'est qu'on a une réaction qui est réversible. Donc ce type de résine, je peux les chauffer pour les rendre suffisamment liquides, les mettre en forme avant de les solidifier de nouveau avec un refroidissement. C'est-à-dire qu'on peut réutiliser des matériaux composites qui sont constitués de résine thermoplastique. Exactement, on peut les réutiliser et c'est d'ailleurs un des avantages majeurs, c'est qu'on peut les voir aussi comme des composites qui peuvent être recyclables. Ah d'accord, ouais. Par contre, l'inconvénient qu'on peut voir par rapport aux résines thermodurcissables, c'est que on a des caractéristiques mécaniques qui sont quand même moins élevées dans la majorité des cas. Donc, la résine parfaite, elle n'existe pas et Faut trouver le compromis. il faut trouver le compromis. Il y a une résine et une fibre qui seront plus adaptées à un besoin qu'à un autre. Et toi, au sein de Conversance Composite, vous travaillez plutôt sur des thermodurcissables ou des thermoplastiques ou les deux? Eh bien, on travaille sur les deux parce que dès qu'on parle de performance, c'est clair qu'on va s'orienter plutôt vers des résines thermodurcissables. Par contre, aujourd'hui, au sein de Convergence, on essaye aussi de développer les applications pour les fibres naturelles, mais aussi pour des résines naturelles. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui nous plairait beaucoup. Pour les composites de demain, c'est de pouvoir utiliser un composite qui soit 100% naturel. Parce qu'utiliser une fibre naturelle avec une résine qui l'est pas du tout, ben, l'objectif n'est pas totalement atteint. Par contre, pouvoir faire un composite qui soit à base de fibres naturelles et avec une résine naturelle qui soit réutilisable et recyclable, Là, ça devient intéressant parce qu'on a un produit qui est technique, on a des applications techniques, mais pour autant, ben on est écho au vrai sens du terme. J'imagine qu'il y a aussi une question de coût, ou bien je sais pas si les thermoplastiques sont plus coûteuses que les thermodurcissables. Enfin, le processus derrière. C'est en général, on peut dire quand même que les thermoplastiques vont permettre de réduire les coûts assez généralement parce que parce qu'on va avoir des temps de cycle, des temps de mise en œuvre, des temps de transformation de la matière qui sont beaucoup plus courts. Ah ouais, donc les thermoplastiques seraient moins chers que les thermodurcissables. Oui, en tout cas au niveau des temps de cycle, c'est très sensible. D'accord. Ok. Tu m'avais dit, on s'était parlé il y a quelque temps pour préparer cette émission, et que tu m'as dit que tu avais commencé ton parcours chez le fabricant de montres Audemars Piguet, et que vous y avez créé la première montre en carbone. C'était à l'occasion de la Coupe de l'América 2007 pour Alinghi, donc l'équipage suisse. Je crois que c'est une série limitée. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette montre en carbone? Oui, alors c'était une première dans le domaine de l'horlogerie parce que jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de boîte de montre qui soit totalement faite en matériaux composites. Et ça s'était jamais fait, pas parce que personne ne s'y était penché, mais parce qu'il y avait des difficultés qui étaient assez difficiles à surmonter. Les matériaux composites, on n'a pas trop parlé des domaines d'application, mais ils sont principalement utilisés dans l'aéronautique, dans le nautisme, dans le sport, et c'est surtout sur des pièces de grande dimension. Et puis, la difficulté majeure, c'était de ramener la faisabilité de pièces en matériaux composites à une dimension qui était nettement, nettement moindre. Ça, c'était la première difficulté. Une autre difficulté, c'était de remplir, répondre aux critères esthétiques de la haute horlogerie. Ça, c'est vraiment un enjeu assez, assez complexe pour les matériaux composites parce que d'habitude, c'est pas ce qu'on attend D'un matériau de composite, ouais, leur c'est clair. part. Voilà, on l'attend beaucoup plus du côté des performances mécaniques que sur la qualité esthétique. Donc, même les matériaux les plus nobles ont du mal à répondre aux critères d'exigence esthétique de la haute horlogerie. Alors pour un matériau composite, ça a été une vraie difficulté. Puis une autre difficulté dont on peut parler, c'est la contrainte d'étanchéité, parce que c'est une montre qui devait être étanche à 100 mètres et résister donc à 10 bars de pression. Alors déjà, il faut mécaniquement résister à ces 10 bars sans déformation. Et puis, il faut que le matériau soit parfaitement homogène pour être totalement étanche. Donc ça, c'est une partie des difficultés qu'il y a eu à surmonter. Donc c'était une montre en fibre de carbone, c'est ça? Exactement, ouais. Et ok, et bon, bah voilà, de fil en aiguille, tu as créé la société Convergence Composite afin de pouvoir exploiter et diversifier ton expertise dans ces matériaux. Et quel est votre secteur d'activité? Qu'est-ce que vous faites exactement chez Convergence Composite? Alors la mission de Convergence Composite, c'est le développement, la fabrication de pièces en matériaux composites. Ça, c'est la mission générale. Mais nous, ce qu'on a envie de faire, c'est d'utiliser des matériaux composites là où on n'a pas l'habitude de les voir. Et en premier lieu, les deux domaines d'activité sur lesquels on se concentre actuellement, c'est le domaine du luxe et le domaine de l'aéronautique. Alors pourquoi le luxe? Parce que ces matériaux, pour l'instant, on n'a pas encore, on les croise pas très souvent dans ces domaines-là, alors qu'ils présentent des avantages esthétiques et que c'est un domaine qui est généralement en recherche de nouveautés. Et ce genre de matériaux, ça apporte une capacité de différenciation. Les difficultés techniques qu'on rencontre. On en a parlé pour la montre, c'est la taille des pièces, c'est un ordre de grandeur qui est très différent des applications conventionnelles, c'est les critères esthétiques. Et pour nous, l'avantage pour les clients, c'est principalement cette capacité de différenciation, le côté très technique qu'on peut apporter aux produits. Et puis pour nous, pour Convergence Composite, l'intérêt que nous, on voit à travailler ce genre d'application, c'est que ça nous permet de développer une expérience et puis un savoir-faire sur de la micro-mécanique en matériaux composites. Je dirais qu'on est en train de créer des micro-composites. Et l'objectif pour Convergence Composite, à travers ce savoir-faire, c'est de pouvoir le développer et proposer ce savoir-faire en micro-composite plus tard dans d'autres domaines d'application. Donc vous essayez de vous spécialiser un peu dans la miniaturisation de matériaux composites. Tout à fait. Ça, c'est ce qu'on cherche à faire à travers les applications qu'on développe luxe. Parce Pour que par application de luxe, t'entends, bon, tu nous as parlé des montres, il y aurait d'autres produits ou bien? Oui, alors ça peut être aussi bien donc pour l'horlogerie que la joaillerie, les instruments d'écriture, la bagagerie, les accessoires de luxe. Ah Ouais, ouais. c'est assez vaste. Pour l'aéronautique, on ne cherche pas à travailler sur le produit en lui-même, pas sur la fabrication d'éléments qui sont inclus sur les avions en eux-mêmes, parce que en tant que petite structure, on n'a pas les moyens de certification qui sont assez conséquents pour l'aéronautique. Par contre, on cherche à travailler sur le procédé de transformation en lui-même. Juste pour que ce soit clair, quand on parle d'aéronautique, c'est quel genre de pièces qui sont en matériaux composites? Est-ce que c'est l'avion, c'est la carcasse de l'avion qui est en matériaux composites, ou bien c'est plutôt des parties moins, comment dire, moins Moins importantes de... sollicité. Ouais, c'est ça, Alors, ouais. c'était le cas il y a quelques décennies, parce que maintenant, on peut dire qu'il y a plusieurs décennies que les matériaux composites font leur apparition dans les avions de transport. Au début, ils étaient cantonnés à des pièces plus de l'ordre du capotage et qui n'étaient pas très sollicitées mécaniquement, mais ça a complètement changé et ils envahissent de plus en plus l'avion. Donc aujourd'hui, ils sont déjà utilisés pour des pièces de structure, donc des pièces qui jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, étaient faites avec des alliages d'aluminium, d'acier ou de titane. Donc ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, l'Airbus A380, si la fibre de carbone n'existe pas, l'A380 n'existe pas. Il n'est pas possible de faire D'accord. cet avion avec ses performances, avec cette masse marchande, sans utiliser les composites. Donc c'est déjà le quotidien de l'avion de transport d'aujourd'hui. Et on peut dire que l'invasion des composites dans l'avion de transport, elle est pas prête de s'arrêter. Ça va continuer. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est de continuer à développer les savoir-faire pour utiliser ces matériaux sur des pièces toujours plus sollicitées. Mais on peut dire qu'il y a presque pas de limite dans peut-être moins de 20 ans, la quasi-totalité des pièces structurelles d'un avion de transport ont des chances d'être en matériaux composites. Et dans le secteur l'automobile, ça ferait du sens d'utiliser des matériaux composites? Déjà utilisés, on le, ils sont pas très visibles et il n'y a pas tant de publicité qui est faite dessus, mais c'est déjà utilisé et c'est de manière presque incontournable. Les constructeurs vont être obligés de les incorporer de plus en plus parce que les économies d'énergie, elles passeront par la réduction du poids des véhicules. Donc aujourd'hui, c'est déjà le cas sur des véhicules très haut de gamme. On voit des marques allemandes qui intègrent des matériaux composites de manière plus intensive qu'il y a peu de temps. Donc c'est déjà en train de venir. C'est déjà très présent sur des voitures de sport très haut de gamme. Ça commence à venir sur des voitures déjà plus standard. Et les voitures de demain en utiliseront encore plus. Aujourd'hui, ce qui bloque, ben, c'est les coûts. c'est les complexités de transformation de ces matériaux pour réussir à l'introduire sur un produit de masse qui est le véhicule, qui est la voiture de tous les jours. Mais c'est sûr que la voiture de demain, elle fera de plus en plus appel aux matériaux composites pour réduire la masse, pour réduire la consommation, pour réduire la pollution. Tu m'avais parlé d'un programme de recherche qui s'appelle Clean Sky. En quoi ça consiste ce programme? Alors, Clean Sky, c'est un programme européen de recherche qui associe les universités et les entreprises qui visent à réduire l'impact environnemental dans la fabrication des structures d'avions. Mais il vise aussi la réduction des coûts d'obtention, évidemment sans atteinte aux performances mécaniques. En fait, c'est une ouverture à des sociétés qui ne sont pas forcément spécialisées dans le domaine aéronautique, qui ne sont pas forcément déjà implantées, mais qui sont sollicitées pour apporter leur expérience, leurs idées sur des productions de pièces de qualité aéronautique, mais avec des coûts moindres que ceux qui sont pratiqués aujourd'hui par l'industrie aéronautique. Donc là, on parle de développement, on ne parle pas encore de fabrication. On n'est pas en train d'ouvrir à des gens de tout secteur pour leur demander de fabriquer des pièces d'avion. Par contre, de leur demander plancher sur les procédés, sur les manières de fabriquer, c'est ce qui se passe avec Clean Sky. Et pour notre part, en fait, Convergence Composite, on s'est regroupé avec l'Université de Bretagne Occidentale et puis FMC, une autre entreprise actrice des composites, pour proposer des améliorations sur un procédé particulier. Donc vous participez à ce programme. On a candidaté pour un des projets de ce programme et puis on a obtenu un des projets de Clean Sky, oui. Ah ouais, ok, super. Un autre projet, alors très intéressant, je crois que c'est plutôt ton père qui travaille dessus, ça s'appelle Green Hélice. Bon, ça fait partie du cadre d'un challenge qui s'appelle Green Flight. De quoi il s'agit exactement? Oui, alors ça, c'est un challenge qui est passionnant, qui vise la réduction de la consommation des avions légers et leur impact environnemental, autant en matière de bruit que de consommation, que de fabrication ou de pollution. Et puis le challenge, il est assez simple sur le papier. On demande à un avion d'au moins de 2 places à peu près. Ça peut être plus, mais on lui demande de parcourir 100 miles, donc 161 km, à la vitesse minimum de 100 mph, donc 161 km/h, avec 1 gallon US, donc 3 litres 7. Alors, quand on commence à tourner un peu tous ces chiffres dans la tête, on se rend compte que c'est assez complexe à réaliser. Et puis Green Hélice, ben c'est un projet que mène mon père, qui est le seul projet français d'ailleurs inscrit à ce challenge, et avec des solutions intéressantes, puisque le choix qui a été fait, les choix qui sont faits au sein de Green Hélice, c'est des choix judicieux de technologies existantes, pour montrer qu'en les appliquant judicieusement, on peut faire mieux que ce qui se fait jusqu'à présent en termes de performance pour les avions légers. Concrètement, tu peux nous donner un ou deux exemples? Ouais, alors les sujets principaux, hein, pour augmenter la performance et réduire la consommation, c'est surtout sur les choix aérodynamiques. C'est beaucoup aussi sur l'allègement total de la machine. Donc là, je pense que vous aurez compris que naturellement, il y a beaucoup de matériaux composites qui sont utilisés. On s'en doutait, j'imagine. Voilà, c'est pas une surprise. Et puis aussi sur le choix de la motorisation. Donc c'est vraiment ces 3 secteurs qui vont donner le critère de performance. Et puis le choix de la motorisation. Et ben, en fait, on constate que dans l'aéronautique légère, les conceptions qui sont utilisées pour les moteurs d'avion, elles sont assez vieillissantes, parce que C'est assez simple. Il y a des volumes de vente qui sont à l'échelle mondiale qui sont relativement faibles. Et donc, ce n'est pas une industrie qui peut se permettre d'investir d'énormes sommes on se rend compte que s'il y a quelque chose qui marche et qui est fiable, ben, on le fait durer, on lui fait passer les années. Et ben, une des idées de Greenalys, c'était de dire on va utiliser des avancées qui sont faites dans un domaine, puis l'amener dans un autre. Et s'il y a un domaine où les moteurs évoluent tout le temps, c'est bien l'automobile, parce qu'il y a des coûts, il y a des sommes investies en développement qui sont conséquentes. Donc, l'idée, c'est de prendre un des moteurs automobiles en pointe, et puis de l'adapter aux contraintes d'un avion léger pour pouvoir l'installer sur cet avion. Voilà, donc ça, c'est finalement aussi, si je veux faire un lien entre Greenalys et Convergence, c'est aussi ça, c'est quelque chose qui nous unit, c'est prendre ce qui se fait de mieux dans un domaine et puis chercher à l'appliquer dans un autre domaine. Tu m'avais dit que le moteur que vous utilisiez, c'était un moteur diesel de la Smart, c'est juste? Bah exactement, c'est le 3 cylindres diesel de la Smart. Bah le choix du diesel, parce que le carburant diesel, c'est ce qui donne la meilleure consommation spécifique. Donc, c'est pour une quantité de carburant donné, c'est lui qui permet de développer le plus de puissance. Donc, quand on cherche à optimiser la consommation, le diesel est imbattable par rapport à l'essence. Par contre, l'inconvénient par rapport à un moteur essence, c'est la masse totale du moteur qui est plus forte. Donc, utilisation sur des avions légers, et ben, il a fallu compenser ça sur le reste de l'avion avec les fameux matériaux composites qui permettent au final d'avoir un moteur très performant et une masse globale de l'avion qui reste très raisonnable. Donc, en résumé, Greenalys, vous travaillez sur l'optimisation aérodynamique, sur l'allègement de l'engin grâce à des matériaux composites et sur une meilleure motorisation, on va dire. Exactement. Ok. Et puis, j'ai noté les contraintes dont tu as parlé, mais en les relisant, je me dis que j'ai dû faire une erreur. Il s'agit de faire 161 km à 161 km/h, donc en 1 heure, en ne consommant pas plus de 3,78 litres de carburant, c'est ça? Tu as très bien noté, c'est exactement ça. Ça me paraît complètement fou parce que C'est avec complètement fou. un moteur de Smart, même une Smart n'arrive pas à ces performances-là sur la route. Comment est-ce que vous faites voler un avion par-dessus le marché? C'est dingue, quoi. On y arrive à tenir ces contraintes. Alors c'est ce qu'on va voir sous peu, parce que l'avion est sur le point de faire ses premiers vols et d'entamer la série de tests. Aujourd'hui, on n'a pas la certitude d'arriver exactement à ça, mais en tout cas, on a la certitude d'en être très proche. Wow. Il n'y a pas de véritable secret, si ce n'est le travail très approfondi sur les trois sujets dont on a parlé. C'est juste que c'est un cahier des charges qui est très précis. Aujourd'hui, il y a déjà des avions qui sont capables de remplir deux de ces trois contraintes à la fois. Ah On est ouais. capable d'aller à cette vitesse en consommant aussi peu, mais on n'est pas capable de le tenir sur cette Sur la distance-là. distance, Ou ouais. alors, on est capable d'aller aussi vite à telle distance, mais en consommant plus. Ça, on l'imagine assez bien. Mais les trois critères, ça donne, c'est un cahier des charges très précis, et jusqu'à présent, il n'y a pas de machine qui a été conçue pour répondre à ce besoin précis-là. Et actuellement, on peut regarder dans la production mondiale et dans tout ce qui s'est déjà fait, il n'y a aucune machine capable de répondre à ça. Maintenant, ce cahier des charges, il a été posé pour le Green Flight Challenge. Les gens qui ont posé ça, c'est la NASA. C'est une association américaine qui s'appelle la CAFE, mais qui est soutenue par la NASA. Et on voit bien que derrière, non seulement il y a un prize money qui est conséquent pour inciter les gens à se pencher sur ce problème-là, et l'objectif qu'il y a derrière, c'est de faire avancer la connaissance Ouais. aéronautique, faire avancer le domaine scientifique, améliorer les performances, réduire l'impact du mode de déplacement qu'est l'avion léger. Juste pour la compréhension, quand on parle de ces contraintes-là, c'est décollage inclus? C'est décollage inclus. Ah, Et c'est alors, complètement fou. juste, je fais une toute petite parenthèse, mais Green Flight Challenge, c'est une étape vers quelque chose d'encore plus ambitieux qui est toujours soutenu par la NASA, puisque aujourd'hui on parle de ça, mais en 2013, il y a un autre challenge qui exige les mêmes contraintes, mais qui en plus demande aux machines qui y participent d'être capables de décoller et de se poser sur un terrain qui fait une centaine de mètres de long. Donc là, c'est encore complètement autre chose. C'est-à-dire qu'on demande, on demande à la fois à l'avion d'être une Formule 1 en vol avec la sobriété d'une voiture du marathon Shell et en plus de se poser comme un 4x4. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui est compliqué, mais c'est rien à côté de l'ambition de ce qui doit être fait. Parce que justement, en relation avec cette ambition, tu m'avais dit que en fait, on s'est rendu compte que le temps de vol passé en avion est en réalité, quand on fait un trajet en avion actuellement, il est en réalité très faible temps de vol vis-à-vis du temps total qu'on passe pour faire ben, tout le voyage de porte à porte finalement. Parce qu'on a de chez nous jusqu'à l'aéroport le trajet qui prend du temps, après il y a des temps d'attente à l'aéroport. Et tout ça, ça prend du temps et le temps de vol est en fait très réduit par rapport à ce temps total. Le temps passé en voiture est aussi très long à cause du trafic, des embouteillages. Donc l'idée, c'est de pouvoir un peu populariser des petits avions légers, c'est ça? Alors, l'idée, c'est exactement ça. C'est vraiment le programme, l'idée que suit la NASA, c'est de repenser le mode de déplacement qui aujourd'hui est utilisé soit par des avions de ligne, soit par des voitures. Et puis, le constat, c'est celui que tu as fait, c'est que on passe très peu de temps en vol. Mais finalement, ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est le temps de porte à porte. Et on passe peu de temps en vol et puis beaucoup de temps avant et après. En voiture, on a les temps en embouteillage. Et donc, on va plus gagner à réduire les temps de vol. Par contre, il faut trouver un moyen de se rendre plus vite d'un point A à un point B. Et le premier challenge qui est de voler vite, relativement vite, en consommant peu, c'est une étape, c'est-à-dire, c'est juste pour dire, OK, quand on sait faire ça, on sait se déplacer de manière durable parce qu'on a un impact qui est mesuré sur l'environnement. Et la deuxième étape dont je vous ai parlé, de se poser et de décoller et d'atterrir sur un terrain qui fasse une centaine de mètres, ça signifie qu'on ne parle plus d'aéroport, on parle d'aéroport de poche qui peuvent être complètement rapprochés des zones d'habitation. Et aujourd'hui, si les temps de transport de et vers l'aéroport sont longs, c'est parce qu'on est obligé d'excentrer ces aéroports à cause de la distance d'atterrissage, à cause du bruit, de l'impact sonore. Et si on a des machines dont la nuisance sonore est très faible et qui sont capables de se poser en toute sécurité sur des distances très courtes, bah on peut raisonnablement les rapprocher des zones d'habitation. Dès l'instant qu'on est proche des zones d'habitation, on réduit forcément le temps de déplacement de porte à porte. Ouais, effectivement. Belle Ça, c'est perspective. l'ambition, pardon, c'est l'ambition du programme soutenu par la NASA. Juste pour vous donner un petit le niveau d'ambition auquel les gens qui soutiennent ce projet le mettent, c'est qu'ils souhaiteraient que ce projet soit à Obama ce qu'Apollo a été à Kennedy, Donc, vous voyez un petit peu l'ambition du programme. Ah ouais, quand même, hein. Mais bon, ça va quand même prendre du temps pour que chacun ait son petit avion dans son jardin, non? C'est pas Alors, pour demain. c'est pas pour demain et les plus passionnés que nous sommes sommes aussi convaincus que ça va prendre plus de temps que ce qui est imaginé aujourd'hui. Par contre, si on s'y attaque dès aujourd'hui avec cet objectif-là, c'est peut-être pas irréaliste à 10 ou 20 ans. En tout cas, sur un pays. Comme sur un continent comme le continent américain, C'est quelque chose qui paraît pas du tout inenvisageable. Ouais, d'accord. Voilà, je n'avais jamais vu là, enfin, j'imaginais pas que la solution au problème de la congestion des transports, de la mobilité, etc., puisse se trouver, se situer à ce niveau-là. Mais là, avec tout ce que tu dis, ça semble effectivement assez palpable, quoi. C'est une question d'années. Si vous arrivez déjà à respecter ces contraintes-là en optimisant les matériaux, je ne pensais pas qu'il y ait. Ouais, que ce soit un levier pareil quand même, qu'on arrive à des résultats aussi spectaculaires juste en optimisant. Tu as raison de parler d'optimisation parce que finalement, c'est pas une révolution qu'on demande dans chaque domaine, c'est simplement une injonction intelligente des connaissances actuelles. Et donc finalement, tout est question d'ambition et d'objectifs qu'on se fixe. Le dernier, ce qui peut encore freiner, à condition que ce dont on a parlé soit réalisable techniquement, ce qui peut freiner, c'est bon, évidemment la notion de coût, et puis aussi la notion d'utilisation technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde est capable de conduire sa voiture et de s'insérer dans un trafic en respectant le code de la route, mais on n'imagine pas demain matin tout le monde capable de piloter un avion. Mais d'un autre côté, si au début du siècle, on avait dit que quelques décennies après, tout le monde conduirait une voiture, Ouais, c'est vrai, c'est alors vrai. qu'on était en train de voir les premières voitures, on n'y aurait sans doute pas cru. Absolument, Donc, ouais. il faut pas forcément se mettre cette barrière, d'autant que un autre objectif qui est donné par la NASA, qui est la troisième marche à franchir dans le challenge, c'est de rendre les phases de décollage et d'atterrissage, qui sont les plus délicates dans le pilotage d'un avion et les plus à risque, de les rendre automatisées. Donc, on voit si dès lors que ces trois grands objectifs sont atteints, donc un décollage, un atterrissage court de manière automatisée et un vol à une vitesse relativement élevée et une consommation très contenue, quand on a répondu à ça, on se dit que si on répond à la notion de coût, ben ça peut apporter une alternative au mode de déplacement à l'échelle d'un pays. Ouais, absolument, absolument. Et je pense que contrairement aux voitures, l'option assistance au parking ne sera pas une option, justement. Il vaudra mieux y souscrire dans l'offre de base. Ça risque d'être quasi obligatoire, oui. Je m'étais posé une question en regardant le site greenhelice.com, en voyant la liste de sponsors. Je me demandais comment la NASA avait atterri dans le projet, mais en fait, ce que tu dis, c'est que la NASA est derrière le projet. La NASA, c'est elle qui soutient le challenge en elle-même. Après, D'accord. Greenhelice, nous, on participe Oui, ouais, vous êtes au challenge. un des Mais contestants. exactement. Mais Ouais. c'est la NASA qui est à l'origine du projet, enfin du challenge en lui-même, pardon, et nous on participe. D'accord. J'ai vu Renault dans la liste des sponsors. Ça, c'est un sponsor de Green Hélice ou il est aussi derrière le challenge? Il n'est pas du tout derrière le challenge, il est derrière Green Hélice, il est derrière D'accord. le Green Hélice en tant que projet français. Ok. Et les liens entre Renault et Mercedes ne sont pas insignifiants. Et donc c'est le moteur de la Smart qui équipe l'avion, mais l'expertise de Renault ne sont pas pour rien dans la mise au point d'une application aéronautique de ce moteur de Smart. Ouais. Et est-ce que Donc ça veut dire que ils ont aidé. je me demandais si ça veut dire que l'industrie automobile y voit peut-être aussi un créneau d'avenir? Est-ce qu'on Alors, pourrait imaginer? je ne sais pas si l'industrie aéronautique y voit déjà un créneau d'avenir, parce que les tentatives d'insertion du monde automobile dans l'aviation légère ont assez souvent été des échecs, parce que on se rend compte que les coûts de mise au point sont très élevés pour des volumes de vente qui sont assez faibles. Mais c'est vrai que c'était aussi avec une vision de l'aviation légère qui était plus une aviation de tourisme et qui s'adressait pas du tout à un public de masse. Dès l'instant qu'on parle de projet de concept quasiment comme ce qu'a en tête la NASA avec le Green Flight Challenge, on voit bien qu'on s'adresse vraiment à la masse en tout cas à très long terme. Et à ce moment-là, il n'est pas impossible que les constructeurs automobiles se penchent aussi sur ces applications-là. On pourrait appeler ça la voiture volante. À la limite, si un jour ça doit remplacer l'automobile. C'est un peu ça, ouais. Autre chose, pendant que je suis sur le site, donc c'est greenelis.com, GREENELIS.com. La première chose qu'on peut y lire, c'est voler au 100% bio. C'est juste un argument en marketing? Alors pas du tout, parce que j'en ai même pas parlé, mais on parle de j'ai parlé de diesel, mais en réalité c'est du biodiesel. Ah d'accord, ok. Voilà, donc c'est pas un argument marketing. Ça reste je dirais que c'est marketing dans la mesure où ça reste un produit d'exception aujourd'hui, Ouais. qu'on trouve pas à la pompe pour l'instant, mais techniquement c'est un produit 100% naturel. Donc Greenelis, c'est le projet français. Oui. Donc c'est ton père qui s'en occupe principalement, je crois, quelle initiative. Principalement, ouais. Et toi, bon voilà, tu as tes connaissances en matériaux composites, tu es champion du LM, donc tu donnes ton expertise pour aider à faire avancer le projet, c'est ça? Oui, je soutiens comme je peux les différentes parties du projet, ouais. Mais convergence composite n'a aucune implication directe, on va dire. Application dans la mesure où je donne de mon temps. Ouais, d'accord. Et donc, Greenelis, c'est le projet français. Il y a, tu sais, plus ou moins, il y a combien d'équipes qui travaillent sur ce challenge Green Flight? Alors sur, il y a 18 dossiers qui ont été retenus, des projets un petit peu du monde entier, avec des solutions, c'est assez intéressant, mais avec des solutions très très diverses. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que ce sont des équipes très hétérogènes qui se sont penchées sur ce challenge, des équipes qui sont toutes passionnées, des petites équipes en général, souvent privées, C'est combien de voire personnes, par exemple, Greenelis? Greenelis, c'est 4 à 5 personnes de manière très active, et puis une foule de partenaires. Et d'interventions ponctuelles. Mais c'est un noyau de 4 à 5 personnes. Et c'est un petit peu la structure d'une grande partie des équipes qui souhaitent participer au Green Flight Challenge. Donc, ce Green Flight Challenge, il aurait dû avoir eu lieu en mois de juillet, c'était reporté la date, c'est juste? Oui, ça a été reporté. Parce que le cahier des charges, vous l'avez compris, est très complexe. Et il a en plus été fixé il y a un petit peu moins d'une année et demie. Donc Wow. ça a demandé, ça a exigé pour chaque participant de partir d'une feuille blanche et de concevoir et de fabriquer et de tester, de fiabiliser une machine en moins d'un an et demi. Et pour des concepts nouveaux, et c'est ce qui est attendu avec un tel cahier des charges, c'est très très court. Donc par rapport au nombre de projets qui n'étaient pas prêts, et c'est aussi le cas de Greenelis, puisque la machine est sur le point de faire ses premiers vols, mais elle n'est pas encore opérationnelle, ben, ils ont été obligés de décaler le projet, Et le on a déjà une challenge. nouvelle date? Ou... Alors la date est en septembre. Ça veut dire que malheureusement Greenelis n'y participera pas Ah mince. pour le challenge de cette année. Ce qui est très dommage pour nous, ce qui est dommage aussi pour le Green Flag Challenge, parce que la liste des inscrits est tombée aujourd'hui ou hier. Et il y a 5 machines, il y a 5 teams qui sont prêts à présenter leur machine. Donc par rapport aux 18 dossiers qui ont été retenus et sur lesquels les gens ont travaillé d'arrache-pied, hein, parce que tout le monde a suivi ce que chacun faisait, et on sait que chaque équipe a travaillé jour et nuit, comme ça a été le cas pour Greenelis. Mais la contrainte de temps a été trop forte. Après, c'est pas totalement dommageable, parce que bah, le travail il est quand même fait, et puis puis va servir pour la suite. Mais donc ce Green Flight Challenge, il va pas se répéter, il a lieu juste cette année. Et après, il y a des étapes supplémentaires dont tu avais parlé, mais ou bien chaque Alors année. ça a lieu en 2000, le challenge suivant aura lieu en 2013, avec donc comme on a dit tout à l'heure une marche en plus. Par contre, il n'est pas impossible d'imaginer que face à la difficulté de ce qu'ils exigent, ils scindent en plusieurs étapes. Et puis, je pense que le cahier des charges tel qu'il est fixé aujourd'hui soit répété en 2011 et puis que En en 2013. marge en 2013, pardon, puis qu'en marge ils ajoutent la marge supplémentaire sur les contraintes de décollage et d'atterrissage. Mais il y aurait tout intérêt à ce que les gens qui ont planché pour être présents en 2011 puissent, avec le travail fourni, présenter leurs travaux en 2013. Et là, ça paraît beaucoup plus raisonnable, autant pour les équipes, pour présenter, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait des avions et que c'est potentiellement plus risqué que quelque chose qui reste au sol. Donc ça peut pas se faire dans la précipitation et ça, les phases de mise au point et de test étape par étape en toute sécurité sont incontournables. Ouais, c'est clair. C'est quand même fou des contraintes de temps pareilles. Quand on vous demande En une année et demie de construire un avion qui... de révolutionner l'industrie aéronautique et si ça se trouve le transport de tous les jours, de régler tous ces problèmes-là, vous avez juste une année montre en main pour y arriver avec des contraintes folles. C'est Ouais, dingue. c'est un petit peu étrange. Bon, c'est aussi un peu pour faire sans doute une sélection sur les gens les plus motivés et les projets les plus crédibles. Le constat qui a été fait, parce qu'on n'imagine absolument pas ça dans des grosses structures ou dans des grosses Bien sûr. entreprises, mais le constat qui a été fait par les gens qui organisent ce challenge, c'est que finalement, quand on parle d'efficacité à proposer des solutions innovantes, on a souvent des résultats au moins aussi intéressants avec des gens qui sortent de nulle part qu'avec des grosses structures ou des gros moyens. Et que finalement, avoir un price money qui est relativement élevé, parce qu'on parle de 1,5 million dollars pour le gagnant, c'est relativement élevé pour une petite équipe ou pour une équipe de passionnés privés. Et puis c'est ridicule pour une grosse entreprise. Donc on voit bien Bien que sûr. la sélection, elle est là. On souhaite attirer les passionnés, les gens qui n'ont pas l'occasion de donner leur avis ou de proposer leur solution peut-être dans des cadres de professionnels. Et sur le côté passionnel, ben, de pouvoir les mettre en avant. Et une machine, un avion biplace, pour une équipe de passionnés, c'est pas, en termes d'investissement de moyens, c'est pas insurmontable. Donc on voit bien que la sélection, elle est là. On veut des relativement petites équipes qui apportent des solutions très innovantes et qui sont très réactives. Alors, donner 1 an et demi, c'est aussi filtrer d'emblée les grosses structures parce qu'on sait qu'ils ont même pas le temps de constituer le dossier, quoi. Ils ont juste le temps de faire trois réunions de brainstorming. Exactement. Mais on doit avouer que c'était un petit peu court et on va voir ce qu'il en est à la fin septembre. Mais on ne serait pas étonné que l'organisation décide soit de reporter encore, soit de renouveler le même challenge dans 1 ou 2 années. D'accord. Et puis, cas échéant, s'il reportait un petit peu, vous pourriez peut-être être prêt? Ouais, tout à fait. Oui, bien Wow. sûr. Bon, Ça on croise les doigts. serait une belle récompense que de pouvoir y aller, parce que ça a été une très très grande frustration que l'avion puisse pas être présent, et ça s'est joué vraiment à très très peu de choses, parce que bon, voilà. Bon, on souhaite bonne chance à Green Alice. On est sûr que vous allez avoir beaucoup de succès. En tout cas, c'est un beau projet. Merci. On arrive gentiment au bout de cet entretien. Alan, quelque chose d'autre? Ouais, moi j'avais encore une petite question. Donc on a dit en début d'émission que tu étais champion d'Europe du LM. Ouais. Et puis tu es basé en Suisse. Alors Ouais. moi j'entends là une opposition assez forte, une incompatibilité. Tu t'entraînes où? Les ULM sont toujours interdits en Suisse, non? Alors, ils sont interdits, oui et non. Les ULM, en fait, ils souffrent un petit peu dans tous les pays. Ils souffrent encore de leur image d'il y a 25 ans, les images des débuts qui ont été un petit peu catastrophiques. Et alors que depuis, ils ont énormément évolué et que dans ULM, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de machines différentes aujourd'hui. Et un ULM actuel, ça peut aussi être une machine toute en carbone qui vole à 250 km/h avec 80 chevaux. L'image de l'ULM, elle est complètement à refaire. Et on dit qu'ils sont interdits en Suisse. En vérité, il y a certains ULM très haut de gamme, tels que ceux que je viens de décrire, qui peuvent voler en Suisse, mais qui sont sous une catégorie spéciale qu'on appelle Ecolite. Mais pour ma part, je m'entraîne en France. Ok. D'accord. Ok. Et tu vas participer au championnat 2011? Alors, je fais une impasse sur le championnat 2011 pour me consacrer totalement au lancement de Convergence Composite. Par contre, je donne rendez-vous en 2012. Ok, ben on sera là, on espère. Alors, ben voilà, on arrive à la fin de cet entretien. Pour en savoir plus sur tout ce que tu nous as dit, alors Convergence Composite, vous avez un site web, vous avez quelque chose pour qu'on puisse. Ouais, convergencecomposite.ch. Ouais, c'est Convergence Composite, tout en un mot. Tout en un mot au singulier.ch. D'accord. Et Grinellis, il y a aussi un site, c'est grinellis.com. Site. Grinellis.com. Voilà, GR2ENELIS.com. Ok. On mettra les liens dans les notes de l'émission. Parfait. Ben, un grand merci, Julien, c'était super. On a appris plein de choses. Eh ben merci, Et c'était un plaisir aussi. ben voilà, vous avez des projets bien ambitieux. On vous souhaite le mieux. Merci. Ouais, merci infiniment. Puis on se permettra peut-être de revenir prendre des nouvelles. Alors, avec plaisir, Et si t'es partant. Ok, ouais, excellent. Alors le complètement. rendez-vous est pris. Ok. Tu restes avec nous, on a encore quelques petites choses à dire au sujet de l'émission. Ça va pour D'accord. toi? Ouais, très bien. Ok. Ouais, alors tout d'abord, on a un petit follow-up sur le dossier de la semaine dernière sur les graisses alimentaires. C'était Podcast Science 52. Donc c'est Jean-Pierre Collin qui apporte une petite rectification. Jean-Pierre Collin, c'est notre compagnon de promotion, entre autres, pour l'accession au Café des Sciences. Voilà, on est entrés ensemble avec Marion Sabourdi. On a fait une entrée à trois. Donc, Jean-Pierre Collin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit les triglycérides, c'est trois acides gras, longue chaîne carbonée plus un glycérol. Alors, il nous met la formule chimique, donc c'est C3H8O3, toujours la même formule. Il n'y a pas de traces de protéines dans un triglycéride. Bref, les triglycérides ne sont pas des lipoprotéines. Les triglycérides sont transportés comme le cholestérol dans les lipoprotéines, sorte de paquets cadeaux formés de protéines ou apolipoprotéines, plus des lipides, phospholipides, triglycérides, cholestérol. Une petite image serait utile, effectivement. Effectivement, c'est ce que j'allais dire, mais pas simple, hein. On va essayer d'en trouver une. Mais alors, ce qu'il y a de très sympa, c'est la métaphore qu'il nous donne après. En gros, il nous dit, plus le paquet cadeau est gros et plus il est léger. C'est les low density lipoprotein, on en parlait la semaine dernière, les LDL. Et si le paquet est petit, alors il est plus dense, c'est les high density lipoprotein, HDL. Et voilà leur composition pour info. Donc les LDL, les low density, c'est 10% de triglycérides, 20% de phospholipides, 45% de cholestérol et 25% de protéines. Donc le LDL, c'est ce qu'on appelle le mauvais cholestérol aussi. Et les HDL, bah, c'est 5% de triglycérides, 30% de phospholipides, 20% de cholestérol, donc c'est moins que dans le LDL, et 45% de protéines, donc plus que dans le LDL. Remarque au passage, les phospholipides forment les membranes plasmiques de toutes nos cellules avec le cholestérol. Ils sont constitués d'un glycérol plus deux acides gras plus un groupement phosphate. Alors voilà, la vérité est rétablie. J'ai dit des bêtises la semaine dernière. Son commentaire est disponible, bien sûr, dans les commentaires du dossier qui se trouve en ligne. Un tout grand merci de cette précision. Et puis, on avait annoncé la semaine dernière aussi qu'on ferait un petit follow-up sur le dossier de la criminologie. Donc, c'était les questions de Draculito. et les réponses d'André Kuhn qui complétaient l'interview qu'on avait faite dans Podcast Science numéro 45. Donc Draculito avait posé le décor et nous avait dit: j'aurais bien aimé qu'André Kuhn nous donne quelques exemples concrets de prévention situationnelle. Le plus évident me semble être de réduire les sommes d'argent détenues en un lieu donné pour réduire l'attractivité d'un hold-up, par exemple dans une banque ou la caisse d'un magasin, mais au-delà. Alors André Kuhn lui a répondu qu'on voit une diminution des brigandages depuis l'avènement des cartes de crédit, une diminution des agressions de cabines téléphoniques depuis l'avènement des cartes après paiement, puis une seconde fois avec l'arrivée sur le marché des téléphones cellulaires et la disparition des cabines téléphoniques. On voit également une diminution des accidents de la circulation routière à Drachten, c'est aux Pays-Bas, après l'élimination de tout feu, passage clouté et autres signalisations. Ça, c'est vrai, j'avais vu un reportage sur cette expérience. C'est toute une ville en fait qui a supprimé tous ces panneaux de signalisation. T'as plus un feu rouge, t'as plus un panneau de stop, rien du tout. Les gens sont censés se regarder et se mettre d'accord. Ouais, j'avais entendu qu'il y a deux, trois projets pilotes dans certaines villes. Ouais, je sais qu'il y a Bristol en Angleterre aussi, mais c'est qu'une partie, c'est un quartier de Bristol, alors que là, c'est carrément toute la ville, quoi. Et c'est spectaculaire, en fait, ça marche mieux qu'avec des feux de signalisation routière. Ouais, je sais Ça pas si ça paraît. peut s'appliquer partout, ça, Ouais, faut je sais voir. pas. Je sais pas. Ouais, à Genève ou à Paris, j'ai quelques doutes. Mais bon, donc il donne encore d'autres exemples. La diminution des cambriolages après l'abolition des machines à sous dans les bars. La diminution des vols de moto après l'introduction de l'obligation de porter un casque, la diminution des vols de vélo devant un mur qui a été repeint alors qu'il était préalablement couvert de tags, etc. Et tout cela sans effet de déplacement de la criminalité vers d'autres cibles. Il y a bien quelques 5% d'auteurs hautement motivés qui commettent leurs méfaits ailleurs, mais les autres cessent tout simplement leur activité criminelle puisque les occasions de commettre leur infraction disparaissent. L'occasion faisant le larron, l'absence d'occasion crée moins de larrons. Aussi simple que ça. Donc, ce n'était pas la seule question de Draculito, il y en avait d'autres. Il disait, par exemple, en l'écoutant rapidement, on pourrait comprendre ses propos comme un rejet complet de la prison, considérée comme une peine caduque et inadaptée. Alors, André Kuhn répond, en effet, il existe un courant de criminologie dit radical ou abolitionniste qui part de l'idée que la prison n'a pas de raison d'être, on a aboli les châtiments corporels, la peine de mort, etc., alors que les gens d'alors les considéraient comme indispensables pour réguler la société. Eh bien, aujourd'hui, nous savons pourtant réguler la société sans ces peines. Pourquoi pas une société demain dans laquelle l'enfermement appartiendra à l'histoire du droit pénal? Autre question de Draculito qui demande ce que dit la criminologie sur des formes de peines alternatives. Est-ce qu'elle en propose de nouvelles? Est-ce qu'elle a pu évaluer leur mérite par rapport aux autres peines classiques, aux peines classiques? Réponse d'André Kuhn. On attribue souvent à Einstein l'idée que l'on ne résout jamais les problèmes au même niveau intellectuel sur lequel elles ont été créées. Ça aurait pu faire une petite quote pour Ouais, toi, Mathieu. sympa, ouais. Il en va de même du droit pénal. Il n'est donc pas utile de tenter de trouver d'autres genres de sanctions que l'on utiliserait dans un modèle purement rétributif. Pourquoi ne pas chercher un autre modèle? C'est ainsi que certains ont proposé un modèle réparateur, dans lequel on ne se penche plus sur le passé pour sanctionner ce qui est arrivé, mais sur l'avenir pour réparer les dommages causés. Ce modèle est appelé Restorative Justice et part de l'idée que l'usage de la force étatique pour sanctionner ne sert à rien et qu'une action plus à l'amiable de faire permettrait de résoudre les conflits nés d'une infraction pénale de manière bien plus adéquate que le système rétributif actuel. Ensuite, encore une petite question de Draculito, je vous rassure, j'arrive au bout, mais enfin c'est vraiment un dialogue que je trouve passionnant, qui complète Oui, bien le ça dossier. enrichit Donc bien le c'est dossier. C'était des bonnes ah ouais, questions qu'il avait totalement. posées, Draculito. Absolument, ouais. Ouais, donc Draculito, c'est lui également qui s'est proposé de faire la transcription de l'interview. Puis il a dû bosser dessus tellement qu'il connaissait le dossier sur le bout des doigts en arrivant à la fin de la retranscription. Puis voilà, il a noté tout ce qu'il titillait. Donc il demande quelles sont les caractéristiques des sociétés reposant sur une autre justice? Parce que Amérique du Sud et Afrique, c'est un peu vague. En filigrane, est-ce que les comportements et donc les infractions sont comparables? D'après André Kuhn, est-ce qu'une société pourrait fonctionner en l'état en utilisant l'autre forme de justice? Ou bien est-ce que cette forme de justice choisie par une société est elle-même un élément constitutif de la société en question? Auquel cas, on changerait obligatoirement et profondément une société en utilisant utilisant un autre modèle de justice. Y a-t-il dans l'histoire des exemples de sociétés qui seraient passées d'une forme de justice à l'autre, ou est-ce que ce fonctionnement est tellement lié à la culture qu'on conserve le même type de justice jusqu'à la chute de sa civilisation? Réponse d'André Kuhn. Cette question me permet d'approfondir un peu la restorative justice, puisque c'est exactement de cela qu'il s'agit. En effet, il existe des sociétés dans lesquelles, plutôt que de se retrouver devant un juge à la suite d'un crime, agression, vol, etc., on se retrouve devant un facilitateur, dont le rôle est de trouver le moyen d'offrir aux protagonistes et à leur entourage respectif une plateforme de discussion et de résolution des problèmes qui ont mené et qui ont été engendrés par l'infraction. Ces Family Group Conferences, Peace and Healing Circles, ou encore mieux Sentencing Circles, sont des sortes de procès sans l'aspect rétributif, mais uniquement l'aspect réparateur. Les sociétés en question ne sont pas fondamentalement différentes des sociétés européennes, puisqu'au-delà de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, cela se trouve aussi au Canada et en Océanie. À certains endroits, il existe même les deux solutions. Il y a donc deux codes de procédure pénale et les parties choisissent laquelle elles désirent mettre en œuvre. Pour ce qui est de l'aspect historique, poursuit André Kuhn, si l'on considère l'Europe, on observe que l'histoire du droit est celle du droit romain, suivie du droit romain redécouvert. Et l'on oublie toujours ce qu'il y a eu entre les deux, c'est-à-dire le droit des peuples dits barbares. Celui-ci était beaucoup plus amiable que le droit romain et que le droit actuel. Notre histoire n'est donc pas celle de l'application linéaire d'un droit rétributif. J'espère avoir répondu au mieux à vos questions. Avec mes meilleures salutations, André Kuhn. Je crois qu'il a Bah, bien répondu, hein. ouais, alors effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Un immense merci à tous les deux pour tout le temps qu'ils ont passé à approfondir ce dossier et à répondre aux dernières questions, aux dernières zones de flou. C'est vraiment formidable, on y voit beaucoup plus clair. Merci Draculito, merci André Kuhn. Ça a d'ailleurs été un dossier qui a eu pas mal de succès, j'ai l'impression. Il y a eu des bons retours positifs, hein, sur ce dossier. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on était un petit peu en dehors de notre terrain habituel. C'est vrai que personne ne savait trop à quoi s'attendre. Et puis, je crois que ça a été une excellente surprise, effectivement. Alors, bon, on va bientôt conclure. Encore une petite chose. On avait lancé un débat la semaine passée sur cette fameuse illustration de la marche du progrès. Et on avait demandé la réaction des poditeurs, donc on a eu quelques réactions. Je vais vous les citer rapidement. Alors tout d'abord Xavier Agnès qui nous dit qu'il est d'accord avec le professeur Fon sur le fait qu'on ne peut pas trancher, mais il faut en débattre quand même. Alors ça c'est ce que nous dit Xavier Agnès. Marco, Il dit aussi merci Mathieu. merci Mathieu. Merci Mathieu d'avoir lancé le débat. Il y a Marco aussi qui nous a donné un petit feedback. Il nous dit, pour apporter mon avis sur le débat de la fameuse marche du progrès, je suis du côté d'Alan, pour les mêmes arguments qu'il a déjà donnés, c'est-à-dire que cette représentation fausse la réalité de l'évolution. Alors je suis d'accord avec Mathieu quand il dit qu'il faudrait plutôt la voir comme la représentation imagée de notre petite lignée. Mais malheureusement, très peu de personnes ont assez de recul pour n'y voir que cela. Et les images sont souvent bien plus parlantes que les explications. Donc l'impact de cette représentation a, je pense, apporté de grandes confusions dans l'esprit des néophytes. Quelqu'un qui n'a pas un minimum de prérequis en ferait une interprétation complètement fausse. Tant la notion de progrès se dégage de cette image, ce qui est bien sûr une idée à bannir de tout esprit évolutionniste. Voilà pour Marco, et encore une dernière de Jean-Philippe Collin, à nouveau notre compagnon de promo sur Café des Sciences avec Marion Sabourdi, qui nous dit le problème de cette représentation, c'est la représentation linéaire. Si on extrapole on peut créer une seule ligne qui part d'une cellule, passe par des invertébrés très simples, puis par une sorte de lézard qui sort de l'eau, acquiert des poils et enfin se redresse pour aboutir à un seul résultat, l'homme. Alors que l'évolution trie simplement la diversité et aboutit à une infinité de résultats. Cette image met en ligne le résultat de l'évolution, mais pas l'évolution elle-même. Ça, j'aime bien. En Ouais, fait, je crois que c'est très clair, c'est ça qui nous effectivement. Ouais. différencie un petit peu. Sans doute. Moi, Ouais. je m'attarde plus sur le résultat et toi plus sur Sur le le processus. Ouais. processus. Ouais. Ouais, c'est vrai. En fait, l'ancêtre du singe et de l'homme était peut-être bipède, donnant ensuite des individus plus adaptés à un environnement forestier où le déplacement bipède est moins utile. Voir par exemple cette image. Il nous met un lien vers une image. On vous la mettra dans les notes de l'émission. Et il termine en lui disant: enfin, cette image, si elle frappe l'inconscient, ne plaide vraiment pas en faveur de l'évolution. Je ne pense pas qu'elle ait une vertu pédagogique parce qu'elle ne dit rien du processus de l'évolution. Mais vraiment rien. Bref, je suis contre l'associer au terme évolution, alors que dans l'esprit des gens, cette image et ce terme sont synonymes. Voilà pour Jean-Philippe Collin. Voilà. Bon, le débat n'est pas clos. Mais je pense qu'il a apporté une bonne piste là. Ouais, Quand c'est il dit vrai, c'est un excellent cette image éclairage. met en ligne le résultat de l'évolution, mais pas l'évolution elle-même. Absolument. Voilà. Ok, et puis une avant-dernière chose, la dernière étant le moment tant attendu, la quote que tu vas nous livrer dans quelques instants. Je voulais juste signaler une illustration de Lucille sur le blog de Podcast Science. Donc c'est podcastscience.fm. Il faut dérouler un tout petit peu, puis vous verrez son illustration, qui n'est pas l'illustration d'un de nos dossiers cette fois, mais qui illustre un sujet d'actualité scientifique. On sait enfin pourquoi les mains deviennent ridées en sortant du bain. Elle nous a illustré tout ça magnifiquement. Je vous invite à aller découvrir ça sur le blog. Excellent. Et puis bah voilà, c'est le moment qu'on attendait tous. La quote, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Alors, un petit quote un peu en relation à ce dont nous a parlé Julien. C'est une quote de Henri Poincaré qui nous dit: c'est par la logique qu'on démontre, c'est par l'intuition qu'on invente. Alors voilà, Excellent. j'ai pensé à Julien, à sa société Convergence Composite, à Greenalis, qui sont plein dans l'innovation, dans les nouvelles technologies. Et ben, j'imagine leur faut beaucoup d'intuition, et j'espère qu'ils vont en avoir suffisamment pour pouvoir participer à ce projet et mener à bien cette aventure chez Convergence Composite. Ouais, ça me plaît beaucoup. Ça représente bien nos projets. Alors, Ouais. si tu veux, quand l'avion volera, on l'écrira sur le fuselage. Ah ouais, sympa. Excellent, ah, génial. Ah ouais, ça serait super. Très bien. Bah voilà pour aujourd'hui. Merci encore, Julien. Merci à vous, C'était un c'était très plaisir. agréable. Ouais. Et puis, ben, pour nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. D'accord, professeur Fon? Ça roule. Alors, excellente semaine. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir.